Section 9. Chapitre 9. S'il est un nom peu agréable pour des oreilles françaises, et en même temps peu facile à prononcer, c'est assurément celui de Kjoken Moeding. Cependant, Charlotte avait si souvent entendu ce mot pendant ces derniers mois, et si souvent aussi elle l'avait prononcé elle-même, que sur ses lèvres, il ne paraissait pas trop barbare. En l'entendant, George ne parut pas surpris. Et bien qu'il ne le connût pas, il ne demanda pas sa signification. C'était un mot à l'usage des savants, sans doute. Il ne lui convenait pas de paraître et ignorer la langue que parle la science. Aussi, lorsqu'après le déjeuner, M. de la Hérodière annonça qu'il allait travailler à son « Kjoken Moeding » et demanda à Charlotte et à Georges s'il voulait l'accompagner, celui-ci ne fit pas la moindre observation. « Volontiers, dit-il. Pour mon compte, je suis très curieux de voir ces Kjoken Moeding. »« Tu en as déjà vu ?» demanda M. de la Hérodière. « Où donc ? Ceux d'Outreau ou ceux de Saint-Valery ?»« Je n'en ai point vu. »« Ah ! » dit M. de la Hérodière en souriant. « Mais au moins, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?»« Comme tout le monde. » »« Ma parole d'honneur, les avocats sont admirables pour pouvoir parler de tout et surtout. » Ainsi, tu entends tout à l'heure pour la première fois le nom de Kjoken Moeding, non seulement ce nom bizarre ne t'étonne pas, mais tu le retiens, et tu trouves moyen de le placer dans la conversation, comme s'il s'agissait d'une chose courante. Pour un peu, tu aurais soutenu avec moi une discussion sur ce sujet, il n'est pas du tout certain que j'aurais eu le dernier, car en discutant, tu aurais fini par me comprendre, tu m'aurais fait expliquer ce que tu ne savais pas, et comme toi de ton côté tu ne m'aurais rien expliqué du tout, puisque tu aurais parlé pour ne rien dire, j'aurai au bout du compte eu le dessous. C'est vraiment très joli. » Ces attaques répétées indiquaient décidément de mauvaises dispositions chez M. de la Hérodière, qu'il serait utile de connaître. Cependant, obéissant à la demande de Charlotte, Georges ne fit rien pour obliger son oncle à les expliquer. Au contraire, il se mit à rire. « Chacun combat avec ses armes, dit-il, le savant avec son raisonnement, l'avocat avec sa parole. La parole a été vaincue, n'ayant pas eu la liberté de combattre. Qu'est-ce que c'est que cette machine dont vous vous occupez en ce moment ? Tu vas voir cela sur la grève. » C'était en se dirigeant vers la mer que cette conversation s'était engagée. On arriva bientôt au rivage, et dans la dune, on se trouva en face d'une petite élévation recouverte d'une maigre végétation. Par une entaille qui avait été faite récemment dans cette élévation, on voyait qu'elle n'était pas formée de terre ou de sable, mais que c'était un amas de coquilles et de débris de toutes sortes, assez difficiles à reconnaître au premier examen. « Voilà ce que c'est que cette machine dont tu parles, » dit M. de la Hérodière. « Autrement dit, voilà un Kjoken Moeding. C'est tout simplement, comme tu le vois, une accumulation de coquillages marins et d'ossements. Seulement cet amas, qui peut te paraître la chose la plus vulgaire du monde, est un véritable musée, le plus riche, le plus intéressant pour l'histoire de l'homme qu'on puisse désirer. En effet, ce que nous avons devant les yeux n'est point un banc de coquilles fossiles formé par la nature. Chacun de ces coquillages a été apporté par la main de l'homme. Pardon, mon oncle, mais vous accusez les avocats de parler avec leur imagination et sans connaître les choses dont ils parlent. Les savants, eux, ne regardent-ils pas avec leur imagination ? À quoi reconnaissez-vous que ces coquilles ont été apportées là par la main de l'homme ? À ce que ces diverses coquilles appartiennent à quatre espèces, qui dans la nature ne vivent jamais ensemble, à ce qu'il n'y en a pas de jeunes parmi elles, à ce qu'elles ont été vidées avant d'être entassées là, enfin, à ce que, dans cette accumulation, on trouve des ossements de mammifères, des restes de poissons, des silex taillés, des débris de foyers, de là même leur nom composé de deux mots danois, Kjoken, cuisine, et Moeding, débris. Ce sont en effet des rebuts de cuisine que des peuplades primitives vivant de pêche et de chasse ont lentement amassés là, jetant autour de leurs cabanes les restes de leurs repas. En un mot, un tas d'ordures. Précisément. Seulement, ces tas d'ordures remontent au temps préhistorique, à ce que les savants appellent l'époque de la pierre polie, et par ce qu'ils renferment, ils nous disent quelle était alors l'alimentation de l'homme, comment il vivait, de quels instruments de pêche il se servait. Quelles étaient ses armes ? D'un autre côté, il nous montre quels étaient les animaux qui, à cette époque, habitaient notre pays. Tu vois qu'un tas d'ordures peut dire bien des choses, quand le chiffonnier qui le fouille a des yeux pour regarder et un esprit pour raisonner. si le cœur t'en dit d'essayer, prends-en une pioche et aide-moi. » Mais ce n'était point de savoir ce que ces amas pouvaient contenir que Georges avait souci pour le moment. Il s'excusa sur la maladresse de ses mains et se contenta de regarder son oncle qui, ayant assujetti solidement ses lunettes derrière ses oreilles, fouillait avec précaution le Kshoken Moeding, examinant chaque coquille et chaque débris. Après quelques instants, Charlotte lui fit signe de la suivre et elle descendit sur la grève. M. de la Hérodière était si bien absorbé dans sa recherche qu'il ne s'aperçut de leur disparition qu'assez longtemps après qu'ils se furent éloignés. Il regarda autour de lui, ne les voyant pas, il releva ses lunettes sur son front pour mieux chercher au loin, et alors il les aperçut se promenant côte à côte sur le sable que la marée qui baissait venait de découvrir. Pendant quelques minutes, il les regarda, puis il se remit au travail. Ce n'était pas pour que Georges ne pût point avoir d'entretien avec Charlotte qu'il avait fait venir son neveu à la crique. C'était au contraire pour que, dans un long tête-à-tête, se répétant chaque jour, celui-ci se fît bien connaître et juger. L'épreuve décisive était commencée. Il n'y avait plus qu'à attendre. Mais en donnant un coup de pioche dans les coquilles, il sentit que sa main était moins ferme, ses yeux voyaient trouble. « Eh bien, que se passe-t-il ? » demanda Georges à Charlotte, lorsqu'ils furent arrivés sur la grève. « Tous ces retards me font mourir d'impatience. »« Vous attendez depuis 2 heures ?» Moi, j'attends depuis 6 mois, mais ces 6 mois bien longs, je vous assure, m'ont paru moins cruels encore que les 2 jours qui se sont écoulés du 1er septembre au 3. Me reprochez-vous d'avoir serré la main d'un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps ? Je ne vous reproche rien, Georges. Je vous explique simplement que si votre impatience est grande, la mienne ne l'est pas moins. Voilà tout. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir ce que mon oncle a contre moi. Bien souvent, avant aujourd'hui, il m'a raillé ou attaqué, mais jamais comme il vient de le faire à plusieurs reprises. C'est que les sentiments de mon père pour vous ne sont plus maintenant ce qu'ils étaient autrefois. Quel reproche a-t-il à m'adresser ? De quoi m'accuse-t-il ? C'est pour vous l'apprendre que je vous ai amené ici. C'est pour que vous sachiez comment vous justifier que je vous ai averti de n'avoir aucune discussion avec mon père avant d'avoir entendu ce que j'avais à vous dire. Je vous écoute. C'est qu'il y a 6 mois, en revenant de Paris, et après vous avoir vu, que mon père m'a parlé de vous, ou plus justement de nous. J'avais été l'attendre à la gare, et tout le long de cette route que nous venons de faire il y a 3 heures, il n'a été question que de vous. Puis, après le déjeuner, l'entretien a recommencé sur cette même grève où nous marchons en ce moment, et c'est là, devant ce rocher, qu'ont été prononcées les paroles décisives qui depuis 6 mois résonnent sans cesse dans mes oreilles. Mais quelles paroles ! Vous aussi, Charlotte, avez-vous juré d'exaspérer mon impatience ? Et ne sentez-vous pas mon embarras à vous répéter ce que mon père m'a dit en toute franchise, croyant ne parler que pour moi seule ? Ne sentez-vous pas que je cherche et tourne, n'osant me décider ? Ce sont cependant ces paroles mêmes qu'il faut que vous me répétiez, car si vous voulez que je me défende... Si je le veux ! Si vous voulez que je réussisse à me bien défendre, il faut que je sache précisément de quoi je suis accusé, et jusqu'où va cette accusation. C'est par les mots mêmes qui l'ont formulée que je peux être éclairé. N'ayez donc nul scrupule à les répéter, si pénible qu'ils puissent être pour moi. C'est mon avenir qui est en jeu, le nôtre, chère Charlotte. Vous savez bien que tout ce que vous direz ne pourra pas changer mes sentiments pour mon oncle, pour votre père. Mon père a commencé par rappeler comment nous avions été élevés ensemble, et comment ma mère, qui vous aimait tendrement, avait formé le projet de nous marier. Il m'a dit que pour lui, il s'était opposé à ce projet. Vous a-t-il expliqué pour quelles raisons ? Ces raisons se trouvaient pour lui dans certains côtés de votre caractère qui ne lui étaient pas sympathiques dans le présent, et surtout qui l'effrayaient dans l'avenir. Quel côté ? Un trop vif désir de faire vite votre chemin. Une trop grande ambition. Mon oncle eût-il mieux aimé me voir paresseux et indifférent à tout, acceptant comme chose naturelle et légitime de vivre à ses dépens ? Je vous répète ce qu'il m'a expliqué. Ensuite, il me dit que pour ne pas contrarier ma mère, qui tenait ardemment à son projet, il avait accepté cette idée de mariage entre nous, mais en y mettant pour condition qu'elle ne serait réalisable que dans un certain délai qui lui permettrait de voir si ses craintes étaient fondées. Et que dans tous les cas, je devrais ignorer ce projet qui ne me serait révélé qu'à l'époque où je serais en âge de savoir ce que je ferais en l'acceptant ou en le repoussant. À ce moment, peut-être, j'aurais dû lui dire que cette dernière condition n'avait point été exécutée, que par maman j'avais connu ce projet, que je m'étais habitué à voir en vous celui qui serait mon mari, enfin, que nous nous étions aimés, je n'ai point osé lui faire cette confidence. Vous avez agi très sagement. Je n'ai pas voulu que le souvenir de ma pauvre maman fût une occasion de contrariété pour mon père. Et puis j'ai eu peur de vous contrarier en faisant un aveu que vous ne m'aviez pas autorisé à faire. Enfin, je n'ai rien dit, et j'ai eu d'autant moins de peine à me taire que ce que mon père voulait, ce n'était pas connaître mes sentiments, mais bien plutôt me faire connaître les siens à votre égard. Et quels sont-ils ? Après m'avoir longuement expliqué quelle était votre vie et quel but vous poursuiviez, les moyens que vous mettiez en œuvre pour l'atteindre et les efforts que vous faisiez, il me dit que pour lui l'épreuve est concluante et qu'il avait la conviction que la femme que vous épouseriez ne pouvait pas être heureuse. Et pourquoi donc ? Parce que... Dites donc tout, je vous en prie. Parce qu'il n'y a pas de bonheur en ce monde sans l'accord de deux consciences, et que jamais la conscience d'une honnête femme ne pourra approuver un mari qui sacrifie tout à l'ambition. Charlotte ! Ah, ce sont les paroles mêmes dont il s'est servi. Elles m'ont trop cruellement blessée pour que je les oublie. Fin de la section 9.